deuxième zone. Les rongeurs racontent l'amertume des jeunes des cités, de Port de la Chapelle jusqu'à Port de Clignancourt, en passant par Max Dormois et jusqu'au boulevard Ney. Ceci est dédié aux mecs en bas des halls. Dans nos cages d'escalier, tu sais que la rage y est, qu'il y a du shit qui tourne, des meufs qu'on détourne. Tout tourne. Je peux même parier qu'ici les barillés aussi, ainsi que les moteurs de Vilsy dans les Tessis. Pendant que ces cons font leur ronde, les gars se grondent dessus. Les meufs filent des verres cons dans une seconde, se font déçu. Déçu de la vie, toujours pris dans une fosse des profondes. Ça parle de boss, de Mac, alors ça se tape, s'attaque. Nécessaire de dominer chez les nerveux. À deux de tension, attention, vite, ça part en yeux. Coup de poing, couteau, coup de feu. Les quartiers chauds montent en grade, la situation se dégrade. Sur le macadam, blessé, macabé, constatation. Augmentation de mine au plombé ou tombé sous le charme des armes. Conclusion, famille en larmes, laisse tomber. L'air noir se la joue hausse, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça masse de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème jour. L'air noir se la joue hausse, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça masse de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème zone, fume Havane. Zoom sur le zoo, la savane. Cavale, pavane, alors rafale, vitaine, zovane. Avec les potes, quand on s'en sort, sans ça et qu'on sort. La fuite en bon sport, le P38, notre sponsor. Ma sécu, c'est comme ça que je protège mon cul, sans PQ. Ici où t'as du vécu, où tu t'avoues vaincu. Désolé pour ma vulgarité, telle est ma vie, comme ça que je la ressens. Boudé par un adolescent, par les événements rendus effervescents. Compte tenu des faits, je me défais de ce cirque. Le zona, visite et vis tola. Sur les flics, crache des mots là. Toute la journée, rêve de dollars. Les keufs sont dans les alentours. Les lascars font des détours pour les éviter, mais n'empêche qu'ils se font ses cours. Plus de joint pour l'embonner tour. Viens y faire un tour. Tu vas le contraste entre le 16ème et la porte de Clignancourt. L'air noir se la joue gauche, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça base de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème jour. L'air noir se la joue gauche, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça base de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème jour. Évidente guerre des nerfs, toute la masse à bout de mer. Les poings cracheurs de feu, les larmes pour les vénères. En résultat, faire couler le sang, les larmes. Les armes, monnaie courante. Pour respect aux monnaies, courent entre les rues. La haine grandit ainsi que les peines. Zonzon, sale dégaine pour leurs fans-ans. Traumatisés à vie souvent, pire la mort. Sanctions pour les fortors, torture les générations. Génère, parasiant, hormones bestiales. Rêvent tous d'être les meilleurs. Mais tous groupés dans cette atmosphère hostile. La vie de rêve est ailleurs. Moi, je me suis fait rime d'ailleurs. Pour échapper au panier à salade. Éviter les meetings avec des bleus galeux malades. Passer à la parade, j'ai modifié le scénario proposé. La vie, un film dont je me démarque. Les aînés ont laissé des marques, donc rien ne sert de faire la caille. Ouais. L'air noir se la joue gauche, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça masse de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème jour. L'air noir se la joue gauche, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça masse de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, dans des gars qui hantent la vie et la mort, ballant. Seuls, 18ème jour. L'air noir se la joue gauche, mat, fini les gauches. Croate, maintenant ça masse de peupons. Ça tire dans le tas, tapons, des ambulants. Seuls, boulevard Ney. Saint-Plon, tu peux te prendre un plomb. Marcadet, Château-Rouge, Barbès, à tout Paris, banlieue, province et campagne, à toutes les villes, pays, à tout le monde, pas que dans le 18ème, partout c'est la merde.